Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la chronique NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Pascal, Peter Yiannopoulos, qu'on parle de temps à autre, est arrivé sur Facebook juste pour parler. Là. Il a proposé une transaction Andrew Wiggins contre DeMar DeRozan. Tu la ferais-tu? Ben non. Non? Ben non. DeMar DeRozan est bien meilleur qu'Andrew Wiggins, honnêtement. Là. Andrew Wiggins, il a vraiment pas fait grand-chose à Minnesota. Donc, je pense que Minnesota est plus prêt à laisser partir Wiggins ou à faire un échange. Mais écoute, 59 victoires. La meilleure saison dans l'histoire. Attends, là oui, on a perdu 4 games. Ça fait 3 années qu'on perd contre LeBron James. Mais tu sais quoi, si je me trompe pas, Utah ont perdu une finale contre Michael Jordan. Stockton, maintenant, ils ont resté ensemble toute leur carrière, ou presque, là, disons 12 ans. C'est leur première super saison. Il y a peut-être des ajustements à faire. Ben moi, je pense que ça prend quand même certains changements, parce que ça fait 3 ans que tu as le même noyau et tu n'avances pas. Ben, pas vraiment, parce qu'on a, une équipe très jeune, une équipe qui a démontré une organisation qui s'est améliorée d'année en année, mais c'est leur meilleure saison avec l'ajout de CJ Miles, avec Van Fleet qui sort de nulle part, qui a démontré qui est tout un joueur de basketball. Premièrement, est-ce qu'on est capable de c'est le joueur le moins payé des Raptors en passant, puis c'était un des meilleurs joueurs finalement. Tu sais quoi? Oui, il y a des ajustements. Moi, si je ferais un échange, c'est pas DeMar DeRozan. C'est pas ton scoreur. C'est un meilleur point guard. Moi, je pense que on a mis beaucoup de pression sur DeMar DeRozan, mais Karl Lowry a pas fait bien mieux, là. Il a pas connu une série phénoménale. Il a pas dominé. Puis Karl, tu sais, DeMar DeRozan se retrouvait des fois contre soit J.R. Smith ou LeBron James. Karl Lowry, il jouait contre George Hill qui commençait à revenir. Écoute, je pense que il y a beaucoup de frustration à Toronto. Puis comme Karl Lowry l'a dit dans la conférence, dans sa conférence d'après-saison, c'était la finale NBA ou c'est une saison perdue. Ouais. Ça, c'est la mentalité à avoir si t'es un gars qui veut gagner. Mm. Tu sais, les années que Chicago perdait contre Détroit, on a quand même gardé Jordan puis Pippen. Tu comprends? Ouais. Je pense qu'on a perdu deux années consécutives ou trois contre Détroit. Et puis finalement, la quatrième année, on a finalement passé à travers Détroit. Moi, je pense qu'il faut pas paniquer. Je pense que Dwayne Casey, beaucoup de gens le critiquent, il va probablement être nommé l'entraîneur de l'année. Est-ce qu'il va être de retour? Une longue hésitation? Moi, je pense qu'il devrait être de retour. Maintenant, est-ce qu'il va être de retour? Ça dépend des t'sais, Greg Popovich a fait 20 ans, il n'a pas toujours gagné championnat NBA. Il a déjà perdu en première ronde contre Denver. Tu t'en souviens peut-être pas, Danny. Il avait la meilleure fiche dans la NBA. 1-8. Ils ont perdu contre Dikembe Mutombo puis les Denver Nuggets. Puis pourtant, il a pas perdu sa job, là. Je pense que les attentes à Toronto sont énormes. Mais tu te débarrasses de quoi? C'est pas comme si c'est une équipe qui est vieille, là. Tu sais, Cleveland, on a fait un ménage, on s'est débarrassé de certains joueurs qui étaient plus âgés. Toronto, c'est une équipe qui est jeune, là. Ouais. C'est une équipe qui est jeune. Mais ça va t'es-tu d'accord avec moi que ça va dépendre de ce que les Cavaliers vont faire? Ben, c'est quoi? Parce que LeBron, ça va dépendre de ce que LeBron va faire, c'est-à-dire. Ouais. Philadelphie, là, je sais que tu veux qu'on en parle, mais ça va venir à Toronto. Philadelphie perd en 5 matchs contre Boston. Boston joue sans leurs deux vedettes. Ouais. tu sais que Boston pourrait se rendre en finale sans les deux vedettes, là. Parce qu'ils ont toute une équipe, là. Maintenant, tu vas où les Wizards? Je pense du côté de Washington, on doit réévaluer qu'est-ce qu'on a à faire. On était d'accord avec moi du côté, est-ce qu'on garde John Wall puis Bradley Beal ensemble? Mais Toronto, 59 victoires, numéro 1 dans l'Est, cette équipe-là est capable de jouer encore 2-3 ans ensemble. Les attentes et le peu, tu sais, je pense qu'il y a 3 ans, Toronto faisait pas les séries, ou il y a 4 ans, là. Fait que, tu sais, c'est un processus. Tu regardes les années de Philadelphie où ils faisaient même pas les playoffs, là. Mm. T'es d'accord avec moi? Oui, mais là, Philadelphie, c'est vraiment jeune, là. Je pense que Philadelphie s'en vient. On a perdu beaucoup de matchs pour aller chercher tous ces joueurs-là. Maintenant, il y a un énorme manque d'expérience. Moi, je pense que le club à Toronto, moi, j'y réévaluerais le temps de jeu et la présence d'un Serge Ibaka, d'un Valanciunas. T'avais le meilleur banc de la NBA. Il y a pas grand changement. Maintenant, c'est pas Wiggins qui va j'adore Peter, mais je m'excuse, mais Wiggins, il a rien fait. Il a même pas été capable d'aider le Canada à faire les Olympiques. J'adore Wiggins, mais moi, je sais pas si t'en souviens, Danny. Mais il y a une valeur pour Toronto. Il y a une valeur incroyable pour Toronto. Ah, non, absolument pas. Absolument pas. Il y aura pas plus de spectateurs parce que c'est Andrew Wiggins, parce que c'est un Canadien. Voyons donc, c'est n'importe quoi. Andrew Wiggins, je l'ai toujours comparé. Quand on parlait de lui comme le futur LeBron James, tu t'en souviens, Danny? Ouais. Puis moi, je disais, c'est peut-être Tu me disais, on en a parlé souvent, tu me disais, le meilleur, il a le potentiel pour devenir le meilleur joueur de l'histoire du Canada. Puis Steve Nash est le meilleur. Ouais, mais moi, ce que je te disais, je t'ai toujours dit que c'était pas le prochain LeBron James, c'était peut-être le prochain Andre Iguodala. OK. OK? J'ai dit, on parlait de lui comme le meilleur prospect canadien. En ce moment, je vais aller avec R.J. Barrett avant d'aller avec Andrew Wiggins, entre nous deux, Danny. Mais ce qu'il a fait dans sa carrière à Minnesota, il y a même dans les playoffs, il a disparu. Là, on parlait de Butler. On a parlé plus que de Derrick Rose que d'Andrew Wiggins. Okay. Parce que pour moi, ce n'est pas Andrew Wiggins qui va faire la différence. Maintenant, d'avoir un Canadien dans l'équipe canadienne, on avait Corey Joseph, on l'a envoyé à Indiana, puis Indiana, il a mieux fait que Toronto. Ils ont au moins emmené les Cavaliers en 7 matchs. Ils ont perdu en 7 matchs. Puis je pense que la série d'Indiana a préparé les autres joueurs des Cavaliers à jouer contre les Raptors. Mm. Je pense que du côté des Raptors, on a plus besoin d'un psychologue sportif, parce qu'on a eu des manquements du côté de DeRozan puis de Kyle Lowry, puis du côté de Serge Ibaka, où on a carrément disparu. Puis si t'es considéré un joueur étoile, moi je pense que le problème, c'est qu'on a donné le maximum à des joueurs qui sont des bons joueurs, mais qui sont pas des superstars. Je pense qu'il n'y a pas de superstar à Toronto. Mm. Maintenant, si tu te débarrasses de DeMar DeRozan, c'est pour aller chercher peut-être un superstar. Qui? Je ne sais pas. Mais Andrew Wiggins n'est pas meilleur, selon... Moi, je prends DeRozan avant de prendre Andrew Wiggins. Okay. Ça, c'est mon opinion. OK. T'es-tu d'accord avec moi que si les Raptors ne perdent pas le premier match, parce que ça a donné le ton à la série, là. Ils ont mené tout le long des séries, tout le long du match, puis les Cavaliers ont gagné en prolongation. Ça, si les Raptors gagnent, on a une autre série. Ça a donné le ton, hein? T'as commencé par si. Si. Ouais. Si. Et tu vas nulle part avec des si. Bon, OK. Ils ont pas gagné. Pour moi, je pense que la façon que Cleveland s'est battu pour gagner et ce que LeBron a donné à contre Indiana, OK? Je pense que Cleveland aurait probablement gagné en 5 ou 6 ou 7 matchs, exemple. Okay. Maintenant, la réalité, c'est que cette défaite-là, statistiquement, quand LeBron James, Kevin Love ont pas, c'était leur pire match de la série en passant. Des 4 matchs, c'était leur pire match au niveau de statistiques. Tu sais, quand, écoute ça, Danny, là. Mm. Quand tu dis que tu finis avec 26 points, je pense, 13 assists, 11 rebonds, un triple doublé, puis tu dis, et tout le monde dit que c'est ton pire match de la saison. Ouais. Ridicule. Là, on parle vraiment d'une superstar, OK? Mais oui, il y a beaucoup d'experts vont dire, si Toronto gagne ce match-là, mentalement, parce que ça revient à ce que je t'ai dit, Ce qu'on a besoin à Toronto, c'est un bon psychologue sportif. C'est le mental. Maintenant, est-ce que c'est la faute de l'entraîneur? Est-ce que c'est la faute des joueurs? Est-ce que c'est la pression? Je pense qu'on n'est pas prêt. Tu sais, beaucoup de gens vont te dire, dans les 6 championnats de Michael Jordan, Michael Jordan battait l'adversaire mentalement. Oui. Est-ce que LeBron l'a fait? On a vu DeMar DeRozan et Kyle Lowry disparaître dans cette série-là. Et ce que j'ai aimé d'Indiana, Indiana n'ont pas eu peur de LeBron James en passant. Victor Oladipo se prend pour le prochain LeBron James. Tu sais, Sabonis, c'est un jeune joueur en devenir peut-être un joueur étoile. Le fils de Arvydas Sabonis a connu une bonne série. Et Bogdanovic, quand tout le monde disait qu'il était pas bon parce qu'il pouvait pas jouer à la défense, a joué une très bonne série contre LeBron James défensivement et a connu des matchs de 30 points. On n'a pas eu les performances qu'on s'attendait. Maintenant, je blâme le système de Toronto, puis tout le monde disait, est-ce que Toronto va pouvoir faire dans les séries ce qu'ils ont fait en saison régulière? En saison régulière, le banc de Toronto avait une moyenne de 1 ou 2 points de moins que le starting five. Tu comprends? Ouais. Et tu vois, la NBA, c'est une ligue de superstars. C'est une ligue de stars. Et tu gagnes pas si t'as pas de bons joueurs, de joueurs vedettes, de joueurs étoiles. Et du côté de Toronto, je pense que les joueurs étoiles ont pas, dans les séries, démontré qu'ils étaient capables d'être consistants et d'être performants. OK. Pascal, Boston, Philadelphie. Là, Peter Yiannopoulos vient d'annoncer que ses sources disent qu'il y a beaucoup de va-et-vient à Toronto. On devrait savoir aujourd'hui si Dwayne Casey revient. Évidemment. Là, il y a le dossier de Jerry Stackhouse. Est-ce que tu penses que Stackhouse... Attends une seconde, Danny, ça serait vraiment ironique que le coach de l'année... Ah ouais? En passant, Dwayne Casey a été nommé le coach de l'année, pas par la NBA. On n'a pas encore le vote de la NBA, parce que la NBA, ce sont les... C'est le 25 juin, je pensais que c'est le gala qu'on va... C'est ça? Écoute-moi, Danny. Il y a eu 30 votes des 30 coachs de la NBA. Wayne Casey était choisi le coach de l'année par les entraîneurs. Ah, c'était quoi? Ça, je veux juste te le dire. Mais à l'inverse, Brad Stevens a eu 0 vote. Ouais, mais moi, je pense que ça prend des changements. Il faut que tu brosses la soupe un peu. Moi, je pense qu'à Toronto, que c'est dans le noyau. Ça fait 3 ans que t'as le même noyau, puis tu gagnes pas. Wayne Casey s'en va, mais c'est pas ça qui va régler le problème. Et le fait que tu as Jerry Stackhouse qui est allé à Clearwater 905, qui fait du fil de tout bois, est-ce que c'est lui qui pourrait être? Ouais, je sais qu'il fait des entrevues. Je pense qu'il était à New York. La rumeur était qu'il avait été à Orlando. Ou Jeff Van Gundy aussi qui a été limogé par les Pistons? Stan Van Gundy, oui. Ouais, je sais. Je savais, j'avais un feeling que c'était pour arriver par rapport à. Okay. À la saison qu'il a eue. Il y a beaucoup d'entraîneurs, mais tu sais quoi? Pour moi, Dwayne Casey n'est pas la raison que Toronto a perdu. Dwayne Casey est la raison qu'ils ont gagné 60 matchs. OK. Boston, Philadelphie, grosse surprise. Moi, c'est une énorme surprise. Écoute, c'est une chimie d'équipe. La surprise, il n'y a pas de surprise parce qu'on sait que Brad Stevens est un excellent entraîneur. Comme il fait une différence, OK? La surprise, pour moi... C'est pas les performances de Jaylen Brown, c'est pas les performances de Morris, c'est pas les performances de Al Horford, et c'est pas les performances de Jason Tatum qui est tout un joueur de basket, même si c'est une recrue. Je pense qu'il y a 7 matchs consécutifs à plus de 20 points. C'est le 3e dans l'histoire comme recrue de réussir cet exploit-là. Le numéro 1, je pense qu'il y a 10 matchs. Fait qu'il pourrait même égaler cette performance-là s'il y a 3 matchs de plus contre les Cavaliers. Terry Rozier nous fait oublier Kyrie Irving. Et ça, je tombe en bas de ma chaise. J'ai été googler ce jeune-là. J'ai été sur YouTube voir ce qu'il faisait au secondaire. Je connaissais pas vraiment Rozier. Puis honnêtement, 17 points par match, Philadelphie n'avait pas vraiment de réponse contre lui. Il a carrément remplacé... Tu peux te dire, bon, un match, c'est correct. Contre Milwaukee, tu t'en souviens de Milwaukee. Bon, un match, c'est bon. Un deuxième match, OK, c'est correct. Après la série de Milwaukee, tout le monde disait, écoute, on échange-tu Kyrie Irving puis on garde Terry Rozier? Écoute, j'aimerais ça être son agent parce que, wow! Ce gars-là, Boston est capable de battre Cleveland en passant. OK. Moi, j'ai mis les Cavaliers, par contre. T'as mis les Cavaliers, puis Parce que ne gage jamais de LeBron James. Ne gage jamais contre LeBron James. C'est comme Crosby, c'est comme... D'accord avec toi. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, mais l'inexpérience de Philadelphie, la jeunesse de Philadelphie a fait qu'on est arrivé contre une équipe plus physique, plus mature, un joueur qui est un joueur. Regarde ce que Rozier a fait là contre Philadelphie. Kyle Lowry n'a pas été capable de faire, même pas contre Washington. Tu comprends-tu? Ouais. Il joue à un niveau comme si c'était un joueur étoile dans la NBA, ce gars-là. Okay. Et beaucoup d'erreurs du côté de Philadelphie, beaucoup de revirements, de mauvais revirements, beaucoup de manque de en fin de match, les côtés d'exécution. Ben Simmons, la vedette, qui connaît un match de 1 point, tu sais. Fait qu'ils sont jeunes. Je pense que on est tombé en amour avec Philadelphie. Ils ont fini la saison sur une lancée spectaculaire. Mais ils ont pogné un mur contre Boston. Et puis, ça sera pas Boston n'est pas Toronto, là. Boston, ils n'ont absolument pas peur et ne sont pas intimidés par LeBron James et les Cavaliers. Ça va être une longue saison. Hey, dans l'Ouest, c'est plus facile. Hein? C'est Walk in the Park, on l'avait dit. Moi, j'avais mis Houston en 5 et Golden State en 5. C'est à peu près ça. Oui, tu avais raison. Et pas maintenant. Pas grand chose à dire là-dessus. Mais là, on va tout avoir une finale de conférence. Ça va être excitant cette finale-là parce que je pense que les Rockets sont du calibre des Warriors. Juste pour moi. Non? Je pense qu'on va avoir une finale de l'Ouest comme. Comme tout le monde pensait que les Raptors battraient Cavaliers. Moi, je pense que Golden State, là, ouais. La première ronde contre les Spurs, on était gentils. OK. OK. Contre les Pelicans, on a dû garder. Là, il y avait Steph Curry qui n'était pas là non plus. Là, ça, ouais, contre les Pelicans, on a commencé à ouvrir la machine un petit peu. Les Rockets ont tellement blablabla. Moi, je ne serais pas surpris que ce soit 4-0 pour Warriors. Ah ouais? Parce que là, les Warriors, ils vont jouer au basket. Les Warriors veulent tuer. La même façon qu'ils voulaient tuer LeBron et les Cavaliers, ils veulent tuer Houston. Okay. Je pense que les Warriors veulent plus tuer Houston que s'ils se rendent en finale contre Boston ou Cleveland, ils vont avoir un peu plus de respect. Ils haïssent les Rockets. Écoute, puis oublie pas, là, ancien coéquipier James Harden, Kevin Durant. Première fois en finale de la carrière de Chris Paul. Mais là, tu as une équipe devant toi. Ce n'est pas les petits garçons de Utah avec une recrue qui est leur meneur. Là. Je m'excuse. Là. Le chemin n'était pas tellement difficile pour Houston, mais on arrive contre une machine. Et je te le dis, je ne serais pas surpris que ça soit 4-0. Et monsieur, why? Moi, j'ai mis Houston parce que depuis le début, je favorise Cleveland-Houston en finale. Ouais. Moi, je pense que ça pourrait... Les Warriors en finale, c'est sûr... comme je dis toujours, je suis un LeBron fan. On va aller avec LeBron moi, je dirais en 6. Parce que Boston a l'avantage du terrain. Il faut absolument que Cavaliers gagne un des deux premiers matchs à Boston. Sinon, Boston risque de s'en en finale. Et tu sais quoi? Ouais. J'aimerais ça voir Boston en finale pour la simple raison que les deux meilleurs joueurs ne sont pas là. Ouais. Pense-y, là, enlève DeMar DeRozan puis Kyle Lowry. Il n'y a pas d'équipe. Ah non, puis c'est tout à l'honneur de Brad Stevens qui a réussi. Il a dû avoir un job de psychologique terrible de fait par Brad Stevens et son équipe d'entraîneur. Papier est blessé premier match. Et la star avec qui LeBron a eu 3 finales NBA, si je ne me trompe pas, là, n'a pas joué dans les séries. Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce que c'est confirmé qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils peuvent revenir? Non. Kyle Lowry, Gordon Hayward... probablement qu'il va revenir en octobre, novembre. Okay. Et Kyrie Irving, on parlait de 4 mois de réhabilitation. Ah, OK. Fait qu'on les verra pas du tout. Non, c'est sûr. Même s'ils se rendent en finale, Boston, tu les verras pas. Okay. Tu vas les voir sur le banc, mais ils seront pas là. OK. Pascal, on se reparle jeudi prochain? Avec plaisir. Commentaire de Pascal Jobin.